les amis savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et quand ils me posent la question, à mon tour, je leur réponds. Je ne veux pas être pompier, éteindre les feux de cheminée. Astronaute, ça ne me dit rien. Je ne veux pas voir les martiens. Moi, quand je serai grand, je serai Père Noël. J'apporterai aux enfants des cadeaux. Je voyagerai dans le ciel en volant mon super traîneau. Je ne veux pas être policier, c'est trop dangereux comme métier. Vétérinaire, ça ne me dit rien. J'aime pas trop les chats, les chiens. Moi, quand je serai grand, je serai Père Noël. J'apporterai aux enfants des cadeaux. Je voyagerai dans le ciel en volant mon super traîneau. Je ne veux pas être professeur, corriger toutes vos erreurs. Footballeur, ça ne dit rien. Courir derrière une balle sur un terrain. Je ne veux pas être pilote d'avion et traverser le mur du son. Je ne veux pas être infirmière, faire des piqûres dans le derrière. Oh, moi, quand je serai grand, je serai Père Noël. J'apporterai aux enfants des cadeaux. Voyagerai dans le ciel en volant mon super traîneau. Moi, quand je serai grand, je serai Père Noël. J'apporterai aux enfants des cadeaux. Je voyagerai dans le ciel en volant mon super traîneau. Moi, quand je serai grand, je serai Père Noël. J'apporterai aux enfants des cadeaux. Je voyagerai dans le ciel au volant de mon super traîneau. Moi, quand je serai grand, je serai Père Noël. J'apporterai aux enfants des cadeaux. Je voyagerai dans le ciel au volant de mon super traîneau. Père Noël, j'apporterai aux enfants des cadeaux. Je voyagerai dans le ciel.